L'insouciance. Ouais. Balance le beat et passe-moi le beat que je m'applique sur les lyrics qui rappliquent. Surfing ne fait pas pour le fric ni pour sa clique. Faut juste que ça claque et que ça kick. Bah ouais mec, je suis trop nostalgique de l'époque de l'innocence, pas tragique. Ça m'envahit le temps de quelques mesures, ce bon vieux temps qu'on perd de vue. Aujourd'hui 17 ans, envieux de mes 7 ans. Rappelle-toi de ce temps, à peine toutes tes dents. Je kiffais ces moments à la récré, des matchs de foot que je voudrais recréer. C'était bon et sans prise de tête, des fois bête, mais l'important c'était la fête. Tu découvres plein de potes, c'est l'enfance, tout se fait ensemble dans la moindre insouciance. Pour être franc, c'est kiffant, l'époque des francs, c'est plus comme avant, c'est décevant. Et ouais, on n'avait pas encore de portable, et on vivait sans, et c'était supportable. On kiffait la grosse Game Boy avec Tetris, c'était ça, être riche, on était pas triste. Comme j'ai déjà dit, génération 90, c'était dans un monde tout sauf peace. On kiffait la grosse Game Boy avec Tetris, c'était ça, être riche, on était pas triste. Comme j'ai déjà dit, génération 90, c'était dans un monde tout sauf peace. Je réalise qu'aujourd'hui l'avenir c'est plus pareil. Ton bac suffira pas à tenir l'appareil de ta vie que tu veux mener. Faut de la monnaie, parce qu'après c'est le temps de se raisonner. Mais laissez-moi vivre mes souvenirs, forcément les meilleurs et pas les pires. Histoire de m'assoupir, de rêver de cette époque. Te rappelle genre Pokémon puis l'époque. Et ouais, puis c'est là que le rap est arrivé. NTM ou Bassi m'ont tellement motivé. Sans oublier la Funky Family, Arsenic, des purs textes à me mettre en panique. Un temps où Dodineco avait du flow et ne rappe pas aux côtés de son putain de sarco. Un temps où Skyrock diffusait que du rap. Bah ouais, te rappelle, premier sur le rap. On kiffait la grosse Game Boy avec Tetris, c'était ça, être riche, on était pas triste. Comme j'ai déjà dit, génération 90, c'était dans un monde tout sauf peace. On kiffait la grosse Game Boy avec Tetris, c'était ça, être riche, on était pas triste. Comme j'ai déjà dit, génération 90, c'était dans un monde tout sauf peace. Ouais, l'insouciance, méfiance des femmes, et dans l'autre sens, attirance pour ces dames. Ouais, le sexe, on le connaissait que par Titeuf, attendant de se maquer une meuf dans une petite. Ouais, c'était alors, tu vas sortir avec. Mais j'compris les règles, donc j'm'en battais les steaks. Mec, à l'époque, j'voyais d'un beau regard ses filles. Mais c'est fini depuis que certaines m'aient sali. La grosse Game Boy avec Tetris, c'était ça, être riche, on était pas triste. Comme j'ai déjà dit, génération 90, c'était dans un monde tout sauf peace. On kiffait la grosse Game Boy avec Tetris, c'était ça, être riche, on était pas triste. Comme j'ai déjà dit, génération 90, c'était dans un monde.